Hello, bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk. On consulte tous les samedis de 19h à 19h30 sur Fadjet. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts pour la découverte. Aujourd'hui, le groupe Delight. Il est d'origine américaine avec un clavier français Philippe Sess. Il est fondé à New York en 1982, une carrière éphémère où un seul album sera produit. Le titre de l'album, Is It Too Late, sera aussi le morceau qu'on va écouter. Suite à cela, le groupe se sépare et Philippe Sess travaillera pour Claude Nougaro par la suite. Allez, on y va! Is it too late, baby? Nouvelle saison, nouvelle rubrique, et cette dernière s'appelle Reprise. On va s'intéresser aux reprises faites par des chanteurs funk ou disco. Cette rubrique fera son apparition une fois par mois. Le premier titre est une reprise rapide. Il s'agit de Ain't No Corrida de Quincy Jones. L'auteur d'origine est Chas Jenkel. Il paraît sur l'album Chas Jenkel, sorti en 1980. Moins d'un an après, en 1981, Quincy Jones décide de la reprendre sur son album The Dude, et le titre sera largement diffusé sur les ondes. Pour petite comparaison, la première version obtient à peine une 18e place en Belgique, alors que la suivante va être dans les top 10 en France, en Angleterre et aux USA. Jenkel la refera paraître en face B du 45 tours Glad to Know You et parviendra à se classer sur le territoire US. Pour l'anecdote, le titre il est basé sur le titre du film japonais L'Empire des Sens, Ain't No Corrida, qui signifie « Corrida de l'amour ». I'm Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Pour notre nouvelle rubrique Les 100 Hits, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir GQ et son Disco Night. Bah, les 100 Hits sont tirés du livre de Belkacem Mezian, Night Fever, je le rappelle. GQ signifie Good Quality. Le groupe est composé de 4 membres et sort en 1976 un premier album encensé par la critique Soul on Your Side. Leur nom est alors The Rhythm Maker. Il sera transformé en GQ suite au remplacement du batteur. Conscient du potentiel du disco, ils décident d'actualiser leur précédent titre en en faisant une ode à la gloire des nuits disco et en leur ajoutant une bonne dose de funky. Le titre comporte un sous-titre, Rock Freak, faisant référence à deux danses. Le rock, bien sûr, et le freak immortalisé par John Travolta dans La Fièvre du Samedi Soir. Disco Night, dont la phase B est une reprise de Boogie Oogie Oogie du groupe A Taste of Honey, précède l'album dans les bacs. C'est leur plus grand hit, mais ils possèdent aussi d'autres perles que l'on ne manquera pas de découvrir. Allez, Night Fever! We'll be right back. Le maxi du jour, c'est un morceau connu, mais dont personne ne connaît ni le titre, ni le chanteur. Si je vous dis Phil Ferrand and Galaxy avec comme titre What Do I Do, ça ne doit pas parler à grand monde. Groupe britannique formé à Londres en 1982, il est composé de 5 personnes dont Phil Ferrand, le chanteur, mais qui est aussi multi-instrumentiste. Le titre sera certifié disque d'argent et il est extrait de l'album Phil Ferrand and Galaxy. Prêt pour être transporté vers une autre galaxie? C'est décollage immédiat. What? Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. La pépite du jour est consacrée à George Benson. Elle est issue de son 18e album, celui qui va le consacrer comme un très grand, j'ai nommé Give Me the Night. Il s'agit de Love Time Love, sorti en 1980, en septembre précisément. Il s'est classé dans le top 10 US à l'époque. On entend bien les similitudes avec Give Me the Night. Savourez et profitez. Forever. Je vais vous souhaiter un bon samedi, une bonne semaine, et je vous dis même heure, même endroit samedi prochain. Bye bye.